t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer qui a bouleversé toute ma vie. Quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'est apparu, alléluia. Oh, quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'a libéré de tout péché. Quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'est apparu, alléluia. Oh, quel beau soleil dans ma vie, Jésus m'a libéré de tout péché. Donné sa vie, condamné, il m'a libéré, égaré, il m'a retrouvé. Quel est cet homme merveilleux? De la mort, il m'a donné sa vie, condamné, il m'a libéré, égaré, il m'a retrouvé. Quel est cet homme merveilleux? Oh, oh, oh, oh. Hey, ça n'est les merveilleux. Ah. De Dieu est agapé. Croyons tous en Jésus-Christ.